et nous accueillons une toute petite partie du collectif slash label slash, je crois que c'est déjà deux slash, mais vous allez nous en dire plus après, du collectif Insub, donc Anouk Janton, ici présente, et Dincise, ici présent, et Antoine Leng, ici présent. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous déjà? Ça va? Super, comme, ouais. comme à l'aube. Comme à l'aube. Oui. Bienvenue en très très tôt matin d'Incise. Alors, est-ce que déjà, vous pouvez juste nous faire une toute petite présentation de ce qui se cache derrière ce mot Insub, qui est, je crois, il y a vraiment tout un panel d'activités. On va faire ça hyper vite. Ça a commencé par être un label. Ça s'est transformé en un vague collectif informel, en une asso qui a organisé un ou deux festivals, qui a organisé plein de séries de concerts, qui est toujours un label, qui a monté un grand orchestre et qui continue à être un asso collectif qui monte des projets de ci, de là, dont celui qu'on a conclu hier. Voilà. Trop bien. Et Tout ça pour faire de la musique plutôt expérimentale, minimaliste, qui est passé de la musique improvisée à la musique plutôt structurée, pour pas dire composée, mais avec moins d'étiquettes peut-être aussi. Ok, pourquoi structurée plutôt que composée? Peut-être parce que, est-ce que ce qu'on a fait hier par exemple c'est composé ou c'est... Enfin des mots, peut-être que ça échappe un peu à ces catégories tout de même. Mais... Ouais. Trop bien. Ouais, je pense qu'on va en parler un petit peu après, mais juste avant, j'avais aussi une question un peu comme ça, toute bête, pourquoi ce nom? Parce qu'effectivement, il y a un sub méta orchestra, un sub insubordination. Est-ce que vous pouvez juste nous faire une petite étymologie de ça, c'est, de ces termes? C'est né insubordination, qui était vraiment juste un net label. Donc un label sur internet, et bon, Insubordination c'est un peu long à écrire quand même, donc à force c'est devenu Insub. Et après c'est vrai qu'on a commencé à mettre tout dedans, l'orchestre, bon, pourquoi chercher d'autres noms, on était déjà rassemblés humainement, musicalement, avec un certain nombre de personnes. Ouais c'est ça, vous vous êtes rencontrés en amont de monter ce label Et maintenant, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, en tout cas vous trois. Puis n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez vous entreposer des questions, parce qu'on a Antoine qui fait l'intervieweur, mais qui est aussi interviewé. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Bon, un sub, c'est devenu un préfixe qui se place devant chaque projet du label slash collectif, ensemble, slash asso, etc., etc. C'est une manière d'identifier le fait que ça procède de cette arborescence. Et puis après, en ce qui concerne la rencontre, tout a commencé avec Cyril et puis avec Dincise, qui ont créé Cyril un peu... Bondy. Cyril Bondy. Qui ont donc créé ce label et puis cette impulsion. Et puis, en ce qui me concerne, je suis arrivé au moment de l'organisation d'un événement assez fou qui s'appelait le Microfestival, qui consistait à organiser, je crois, plus d'une centaine de concerts dans toute la Suisse, dans des tas de petits lieux, en se disant, en fait, on n'a jamais plus de 10 personnes qui viennent écouter nos concerts de musique expérimentale improvisée. Et tous les musiciens sont organisateurs en général. Voilà. Ils ont tous au moins un salon ou un local de répète. Et puis ça a justement permis de faire se rencontrer des musiciens de toute la scène suisse, romande puis aussi alémanique. En les invitant à venir jouer dans de différentes villes et en leur proposant aussi d'inviter des gens à jouer et organiser des concerts. Et puis je crois que c'est un projet qui traduit quand même assez bien un des esprits d'Insub, en fait, qui est de fonctionner en arborescence, en réseau, en essayant de créer des impulsions qui viennent un petit peu du centre, mais qui vont aussi être portées par toutes les participations au projet. Oui, parce que vous êtes, je crois, une vingtaine, si non, je me trompe. On est 10 là, dans le collectif. Ok. Et dans l'orchestre. Alors non, dans l'orchestre, on est à potentiel de 60, si je ne dis pas de bêtises, mais en généralement, on est plutôt entre 20 et 30 au concert, mais il y a un potentiel de 60 personnes. Et dans le collectif qui a participé à cette pièce d'hier et qui a fait partie de tout ce projet qui a été monté pendant 2 ans, on est 10 maintenant. Mmh. Mais il y a eu des personnes qui sont arrivées en cours aussi. Bah justement, si vous voulez aussi nous présenter, parce que je sais que bon, juste après, on entendra Cyril qui va parler également du projet. Mais du coup, de l'entendre aussi un peu de votre bouche à vous, quoi, sur la jeunesse du projet Polytopie qui a été spécifiquement montré hier, enfin, dont c'était le climax, je veux dire, parce que je crois qu'on va pas trop parler comme ça, mais le déroulement, le dénouement du projet, d'avoir une petite genèse de Polytopie. Peut-être Antoine prend la parole, puisque c'est quand même beaucoup lié à ton impulsion et à ton histoire aussi. Oui, alors, il y a une impulsion qui a rapidement résonné il y a quelques années. On est dans un contexte où on se pose pas mal de questions sur nos activités d'artistes, les connexions avec d'autres secteurs d'activité, d'autres parties du monde. Et puis, il y avait cette question qui a un petit peu émergé autour du travail un petit peu en extérieur, de considérer d'autres espaces que les salles de concert ou les studios de répétition ou de production, avec aussi un élément qui est aussi apparu il y a quelques années dans un sub, qui était cet intérêt aussi pour les musiques traditionnelles. Et puis notamment le fait que dans ces musiques traditionnelles, il y a beaucoup de musiques qui viennent de gestes du travail, enfin liés aux questions de la répétition, de l'organisation du travail. Et puis, on s'est dit qu'on pourrait peut-être imaginer un jour un projet qui serait peut-être lié au monde de l'agriculture. Et puis, il y a le Covid qui est passé par là, qui a créé une occasion qui n'était pas forcément souhaitée, mais qui nous a aussi empêchés de continuer de travailler dans nos zones de confort, dans ces studios, et qui nous a invités à sortir. Je pense au départ, individuellement, faire un petit peu de jardinage, de se reconnecter avec des familles qui avaient des activités agricoles dans les champs. En ce qui me concerne, je suis fils d'agriculteur, agricultrice, et puis j'étais obligé de retourner travailler à la ferme pour gagner une partie de ma croûte. Et puis, c'était hyper inspirant d'être à l'extérieur. Je crois qu'on a un peu, toutes et tous, vécu cette période comme une sorte de moyen de renouer aussi avec des sons, avec des activités dont on n'avait peut-être plus forcément l'habitude. Et puis, à partir de là, il y a eu l'occasion de pouvoir vraiment créer quelque chose. Et puis, on a commencé à en discuter toutes et tous ensemble, à faire des propositions, des invitations aux gens avec qui on collaborait de manière assez proche dans le cadre d'un sub. Et puis voilà, le projet est un petit peu né de ça. On a eu accès à deux parcelles agricoles à La Connay, et on a pu travailler sur 2 ans sur des questions qui étaient liées à l'agriculture, mais aussi à comment finalement continuer à faire de la composition, de la performance en extérieur, en considérant les avantages et tous les inconvénients de le faire, c'est-à-dire de se confronter aussi à un environnement sonore riche, pas uniquement sonore, pas toujours simple, de se confronter à la météo et à différentes contraintes dont on n'a pas l'habitude. Et du coup, comment est-ce que vous avez opérer cette espèce de transition ou d'apport, en tout cas des processus plus improvisés, compositionnels, musicaux, enfin de vos pratiques de musicien, musicienne dans ces gestes agricoles. En fait, il y avait un peu une hypothèse. En fait, je dirais moi, mais c'est mon point de vue, tout ce projet, c'était vraiment que des hypothèses. Je crois qu'il y avait personne, en tout cas pas moi, qui avions des idées claires, ni préconçues de ce qu'on allait faire ou de ce qui allait se passer ou de ce qu'on allait pouvoir créer, imaginer. Donc on sait aussi beaucoup, je pense que tout le monde est arrivé avec des intuitions, des envies, des désirs. Et puis les choses se sont composées vraiment par ce qui se passait aussi sur place, ce qui était quand même vraiment agréable. Et cette pièce du Vanage à la Mouture, je dirais qu'elle découle de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 années, de tout ce qu'on a traversé individuellement et collectivement, parce que je pense que cette expérience et ce territoire nous a quand même bien transformés. Et du coup, c'est un peu, quelque part, c'est un peu un aboutissement, même si finalement, ça pourrait être qu'une étape, parce que là, on a concrètement vanné le blé pour le moudre pour en faire de la farine, mais on pourrait imaginer que ça pourrait continuer. Mais donc, on a souhaité dans cette pièce, donc on était un petit groupe, Antoine, Dincis et moi, à travailler sur la composition pour la proposer à l'ensemble, mais en travaillant quand même de manière assez collective. Et on a essayé de ne se focaliser que sur ce geste du vannage et... j'ai perdu le mot pour... La mouture. Non, égrener. Ah, l'égrenage. Égrener, vanner et moudre. Et essayer de trouver des biais musicaux qui nous permettent aussi de rejoindre nos qualités de musiciens et musiciennes, mais que ces biais musicaux soient aussi liés à ce qui s'est passé pour nous dans ces expériences, ou en tout cas ce qui pourrait en résulter. Donc ça a été deux directions qui ont été prises et qui ont été travaillées pour cette pièce, et plus nos qualités aussi d'improvisateur, improvisatrice, puisque tout n'était pas déterminé dans cette pièce, de capacité à pouvoir se placer dans le son en fonction de ce qui est déjà à l'œuvre, et donc de travailler à une matière composite. Je vais juste lancer un petit extrait durant le processus. Donc là, c'était en 2023. Donc c'est pas exactement ce qu'on a entendu hier, mais ça va déjà nous donner une idée de ce qu'on peut écouter comme type de son au sein de ce processus-là. À gauche, un chemin et un pâturage. À droite, un champ labouré. Voilà, j'ai pas laissé très longtemps malheureusement parce que j'ai encore envie de vous poser pas mal de questions, puis en fait on est déjà à la moitié, ça passe très vite. Mais je me demandais déjà juste d'un point de vue assez individuel, chacun chacune, qu'est-ce que vous avez appris ou inclus de ce processus-là, à la fois collectif, agricole, enfin qui est quand même théoriquement assez éloigné de nos habitudes, puis qu'est-ce que ça a modifié dans vos pratiques individuelles de musicien, musicienne ? Je crois qu'il y avait vraiment comment je l'ai pris, c'est que il y avait ce truc de se mettre tout le temps. En cas, moi, j'ai toujours pensé à la musique parce que c'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait. Mais du coup, c'était mettre cette musique dans un espace où ce qui la détermine, c'est un peu plus extérieur. Et c'est là où on a fait beaucoup d'expériences, soit avec l'espace, soit une expérience que j'ai beaucoup aimée, c'est quand on s'est dit bon, on va planter en musique une ligne de maïs, je crois, ou de tout, et on le fait. Et en fait, ça a pris 35 minutes. Pas parce qu'on a décidé de faire une pièce de 35 minutes, mais parce que ça a littéralement la terre, le soleil et les gestes et ça a déterminé cette forme musicale-là. Et c'était vraiment ce genre de choses Et après, on y est avec beaucoup de naïveté. Je pense qu'on a toujours un peu... On a été mis tellement tout le temps à la bourre de tout et de toujours réfléchir à se confronter à des choses un peu à la dernière minute. Et que moi, j'ai aussi beaucoup aimé parce que c'était genre, ah, mais en fait, si on doit faire ce geste, cette action spécifique pour récolter ou semer quelque chose, mais en fait, comment ça se fait? Et comme, surtout, comment ça se fait, comment ça se faisait ou comment ça se fait ailleurs, parce que on a, pour nous, l'agriculture, bon, elle arrive au supermarché ou bien on voit des grosses machines dans les champs et ça fait tac, tac, tac, hop, hop, le blé, les bottes de paille. Et nous, on était à un niveau totalement paléolithique, ou peut-être l'âge du fer, vaguement. Et puis moi, je me suis allé vraiment aller aussi creuser dans tout l'outillage. Il y a comme une sorte de lutherie de l'outil agricole, comme ceux des instruments, avec des évolutions. Et puis refaire cette évolution comme ça, en fait, ça a mis un peu des milliers d'années à trouver que si tu prends un truc un peu courbé, ça marche mieux que s'il est tout droit, etc. Et on était bien confrontés à ça aussi. Et c'est là aussi, des fois, on a préféré, comme hier, prendre des... utiliser hier des cymbales et des percussions pour faire le vannage plutôt qu'un panier à vanner qui est un panier en osier tressé avec une forme en demi-goutte très étudiée pour que le geste fonctionne bien. Et on n'allait pas aller en acheter 10 pour faire une petite perfo puis les jeter après. Du coup, ça nous a fini. Bon, si on doit se débrouiller avec ce qu'on a en tant que musicien, on a souvent utilisé un peu nos instruments comme outil de travail ou des choses comme ça, quoi. Je ne sais pas si vous voulez aussi répondre les autres. Moi, je dirais qu'il y avait le rapport à l'espace, le fait d'être dans un territoire qui n'est a priori pas dédié pour nos pratiques sonores, en tout cas pas là où on a l'habitude de les faire, encore moins pour des instruments comme le mien, le violon ou la viole de gambe, des instruments qui sont un peu complexes à gérer dans des extérieurs. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça, pour moi, ça a beaucoup fait travailler un processus de mémoire, parce que je viens de mon côté aussi d'une famille d'agriculteurs, agricultrices, on va plutôt dire agriculteurs, parce que voilà, ça change, mais ça change doucement. Mais du coup, ça m'a réévoqué beaucoup de choses de mon enfance ou de gestes de mon grand-père, notamment ces trucs du vannage. J'avais plein d'éléments, même si ces éléments, j'étais pas capable de les articuler ni en mots ni en gestes concrets parce que j'en avais pas le savoir-faire, j'avais pas du tout eu de transmission, mais c'est comme si c'était un peu un héritage, un peu éparse comme ça. J'ai aimé reconvoquer ça. Et puis la mémoire plus globale de tout ce qui aurait pu se tramer ou tout ce qui se trame encore dans ce territoire et de nos couches à nous. On aimait bien avec Antoine travailler sur l'idée du palimpseste, mais là on y était bien, quoi. C'était une couche, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis tout ça s'imprime par-dessus. Et puis du coup, on apprend en même temps qu'on efface, qu'on réimprime, et qu'il y a une espèce de processus de transformation. Moi, je dirais que c'est cette chose-là qui m'a été la plus forte, je crois. Donc, comment ça nous a déplacés, ou comment ça m'a déplacée, comment il y a des choses qui ont germé qu'on n'aurait pas, c'est le cas de le dire, qu'on n'aurait peut-être pas pensé au préalable, et puis qui, en fait, nous ont un peu étonnés. Et des choses qu'on pensait pouvoir fonctionner, puis pas du tout. Et puis c'était sans arrêt comme ça, mais c'était, je crois que c'était globalement assez joyeux. Je crois qu'on n'a pas, des fois c'était un peu pénible, mais on n'a pas trop pris personnellement les contraintes. Puis on a juste dealé avec constamment. Et voilà, des situations très cocasses aussi. Enfin, il y a eu beaucoup de choses, quoi. Ouais, je crois qu'il y avait vraiment cette question de faire avec ce qu'on a, en fait, à tous les niveaux. De faire avec ce qu'on a en termes de connaissances, où on vient avec des a priori, on se dit, bon, un champ, on nous le met à disposition, on part de zéro, et en fait, on ne part pas du tout de zéro. En fait, il y a vraiment une histoire de la campagne, il y a plein de choses auxquelles on s'est retrouvé confronté, soit parce qu'il fallait qu'on s'y... qu'on s'y attelle, ou alors aussi simplement parce que on se rendait compte que ça marchait pas forcément très très bien autrement. Et puis aussi collectivement, moi je retiens vraiment que c'est quelque chose d'assez fort ce qu'on a vécu ou essayé de vivre en essayant de faire vivre un projet à plusieurs comme ça, en découvrant aussi ce que ça veut vraiment dire sur la durée pendant 2 ans d'essayer de fonctionner avec des propositions de toutes et tous, de voir en fait aussi le rythme auquel elles peuvent arriver, de vraiment laisser de la place à tout ça. Et puis voilà, de faire en même temps avec nos propres croyances individuelles ou des contraintes liées au fait qu'il faut quand même produire quelque chose, que ce soit en attendant que ce qu'on a essayé de faire de manière agricole, ça marche ou pas, mais aussi dans nos propres dynamiques, de se dire ben voilà, il faut produire des pièces, des performances, tout en se laissant le temps aussi de comprendre ce qui marche, ce qui marche pas. Et ouais, je crois vraiment de faire avec ce qu'on a, c'est quelque chose dont on prend tout d'un coup conscience quand on sort de nos habitudes qui sont plutôt confortables, enfin, même s'il y a après plein d'enjeux auxquels on est face dans un studio ou dans une salle de concert. Mais là, il y avait tout d'un coup un éclairage différent que j'ai trouvé à titre personnel vraiment assez transformateur. J'ai peut-être ajouté une chose si j'ai le temps. Oui, oui. Pour revenir à la pièce d'hier soir, il y avait aussi cette idée qu'on puisse transposer des espaces de l'un à l'autre. Et hier, il y avait du coup, on était sur une surface au sol qui était une sorte de rectangle et qui était en fait une évocation pour nous du champ, et avec l'idée que, bon, on n'est pas forcément obligé de le prendre de manière littérale, mais c'était plutôt qu'est-ce qui se passe si on est dans cette perspective de pouvoir passer d'un espace à l'autre et d'amener dans la salle de concert des choses qui proviennent d'ailleurs, mais qui vont peut-être s'entendre, peut-être pas s'entendre, mais en tout cas, nous, je pense qu'on le fait sonner dans ce sens-là, et puis inversement. Trop bien, ça va rejoindre un peu l'autre question que j'aurais après, si j'y arrive, mais j'avais juste envie de passer un petit bout d'un enregistrement que Marie a fait après le concert. Cool, cool, cool. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors ? T'en as pensé quoi ? Tu veux pas le dire devant ton micro ? Voilà, bah ouais. Oh merde. Si, si. Non, j'ai trouvé chouette. Non, j'ai trouvé bien. J'ai mis du temps à rentrer dedans. Ouais. J'ai mis du temps à rentrer dedans parce qu'au début, je l'ai un peu vécu. Je devrais pas m'enregistrer quand je dis ça. Non, vas-y. Mais tu j'aime bien. En même temps, en même temps, j'aime bien ça. En fait, j'aime bien aussi ce cheminement que j'ai fait. Je dire bonjour. Si, je suis en train d'enregistrer, mais c'est bien. Hein, ouais. Bravo. Depuis tout à l'heure. Oui. Ah zut. En fait, ça allait être dramatique. Mais c'est dramatique. Non, bah oui, il y a un côté dramatique parce que la machine s'arrête. Donc il y a un suspense de savoir si ça va fonctionner, si on pourra avoir de la farine à la fin. Donc c'est super intense. C'est drôle. Donc il y a... Je me suis juste dit oui, ils bloquent un peu, alors ils enlèvent. Mais... Ah non, il y avait un vrai drame. On était suspendu. Ouais, voilà, je baisse là. On va pas mettre toute la fin de cet enregistrement-là, de ce bout-là. Bon, le début, c'était vraiment un petit peu pour le lol, hein. Mais parce qu'après elle développe Marie, puis elle dit quand même ça, ça l'a touchée. Enfin voilà, elle développe. Mais j'aime vraiment beaucoup ces enregistrements. À chaque fois, c'est bien frais. Et là, donc, on entendait Denis qui parlait du côté dramatique et qui est aussi évidemment amené par le fait de ramener ces gestes-là et ce type de tableau, on va dire, dans une salle de concert. Et du coup, je me demandais aussi vous en avez déjà un petit peu parlé, mais comment est-ce que vous avez dealé, comment ça a été, quoi un peu les enjeux de en fait tout à coup d'imposer une forme de dramaturgie un peu vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Désolé, je trouve pas tout à fait mes mots, mais ouais, de ramener de la dramaturgie dans, enfin que c'est pas vous qui l'a ramené directement, on va dire qu'elle est ramenée par le contexte. On a eu, oui, tu voulais dire. Non, c'est... Bon, j'ai l'impression qu'elle s'est, elle s'est en effet un peu ramenée d'elle-même surtout, parce que de nouveau, nous-mêmes on essaie de se ramener le plus à, on doit faire quelque chose. On a ce blé à grainer, à vanner. Et chaque fois, on disait, chaque fois que ça dérivait un peu sur d'autres questions, on disait, non, l'élément central, c'est on doit faire ça. Tout en découle. Et en effet, même cette tournure dramatique qui était justement de l'ordre de l'imprévu, avec ce truc qui a un peu mal marché, mais en même temps qui a mal marché, honnêtement, parce qu'on n'a pas très bien travaillé à un moment. Et en plus même, moi je l'ai même vu pendant, en le faisant, donc ça questionne vraiment la responsabilité, pas comme en musique où je sais pas si t'as un rôle dans un ensemble et tu lâches un peu ton affaire, tu mets tout en danger, et là c'est un peu la même chose, quoi. On a eu un parce que Dincis l'a dit aussi tout à l'heure, on avait un rapport à la temporalité, à la durée qui était liée aux matériaux, donc c'est-à-dire le blé, les épis qu'on a égrené, à vanner, à moudre, et on a essayé de vraiment se calibrer sur un nombre d'épis qu'on a compté par rapport à un contenant qui était nos vasques là en terre. Mais on avait toujours mis de côté des éblis pour le concert. Des éblis, ça y est, j'en commence. Décidément, ça reste. Des épis pour ne pas les toucher. Puis en fait, je crois que par peur peut-être de manquer, ce qui est intéressant aussi, on en a mis un peu trop. Et on s'est retrouvés du coup à devoir dealer avec une temporalité et une durée qui était un tout petit peu au-dessus de celle à laquelle on s'était habitué sur nos répétitions. Et du coup, à devoir être peut-être encore davantage sur le geste utile, concret, et qui arrivait à un petit paroxysme de fin un peu stressant comme ça. Mais il y avait aussi, par rapport à ta dramaturgie, il y avait aussi la question du moulin, qui était quand même un objet particulier, qui aurait pu être un peu ritualisé, ou en tout cas devenir un petit autel. Puis on a un peu soigneusement essayé d'éviter de tomber là-dedans. Et qui a questionné pas mal de gens sur le fait que c'était le seul objet électrique. Ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ouais. Tout à fait. Et puis je me suis demandé aussi si vous étiez un peu accordé par rapport à la fréquence de ce moulin. Oui. Ouais, alors évidemment, on l'a écouté. Ouais. Mais il y avait toujours cette question d'allier un geste utile à quelque chose qui est aussi performé, enfin de prendre conscience du fait qu'on est dans une salle et puis qu'on est en train de donner quelque chose en spectacle, sans forcément vouloir surinvestir ça, mais de devoir aussi reconnaître le fait qu'on est un ensemble de musique, qu'on performe ce geste parce qu'on a traversé ces deux années et puis qu'on a travaillé sur ces questions-là, mais que c'est quand même un contexte artistique. Et puis justement, le fait de ramener ça dans un contexte qui est un contexte de festival, de musique contemporaine, dans une salle, alors qu'il y a beaucoup de performances qui ont été créées in situ, il y avait aussi ces enjeux de savoir comment on les évoque, qu'est-ce qu'on garde personnellement comme trace, comment est-ce qu'on arrive peut-être à faire partager quelque chose qui n'est peut-être pas forcément littéral, mais aussi peut-être de susciter simplement un intérêt, une envie d'aller faire traîner ses oreilles un petit peu à l'extérieur. Je discutais avec Thierry Simoneau à la fin, qui était venu aussi écouter des performances dans le champ, et puis qui... Lui parlait de ce chant et puis de ses expériences comme une sorte d'expérience d'acousmonium total, en disant mais en fait ces environnements, enfin là où vous étiez, on entendait un avion au loin à une distance parfaite, d'autres éléments qui se produisaient, et puis voilà, enfin quelque part de célébrer en fait les qualités acousmatiques de la campagne genevoise, ce qui est quand même assez dingue. Trop bien, ben merci beaucoup. Il est déjà midi, donc c'est déjà la fin de cette entrevue, mais je voulais aussi juste t'entendre un petit coup d'incise sur la pièce que tu vas jouer ce soir, qui s'appelle Nouvelle œuvre. Non, en tout cas c'est comme ça que c'est écrit sur le site, donc t'as aussi composé toi vraiment en solo avec ta pratique personnelle quelque chose pour le salon d'écoute. C'est ça. Et en effet, c'est tout neuf et ça n'a toujours pas de titre. Ça viendra après. Des choses plus importantes que d'autres. Et du coup, je sais pas, parce qu'il y a aussi un mot en tout cas qui est apparu comme ça dans ta biographie sur le site, qui est le réductionnisme. Voilà. Donc, est-ce que ça a toujours à voir avec ça? Est-ce que tu peux juste nous en dire un petit petite chose? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que ça a toujours un peu à voir. Je pense que en tout cas, ça a toujours à voir avec le fait d'explorer des matériaux avec un seul matériau, l'observer sous tous les angles et aller dans ces détails. Ce qui est un peu ce que j'ai quand même cherché là pour l'Acousmonium. C'est un processus assez curieux parce que. J'ai vraiment pas fait ce que je pensais peut-être faire ou que j'aurais pensé faire pas l'année passée quand j'étais à l'Acousmonium, on me dit ah attends c'est génial je ferais bien ça et ça et je suis revenu à faire un peu ma pratique en me projetant juste comment ce son va sonner en plus comme une couche en plus de comment ça peut se développer sur un Acousmonium de manière assez naturelle comme ça. Et, c'est pour ça que j'ai décidé finalement de quand même jouer une forme de live, entre guillemets, enfin, c'est quelque chose qui est aussi très composé, mais pas fixé, mais très structuré, tout ça, toujours les mêmes questions, voilà. On va aller bricoler cet après-midi avec Antoine Siron pour trouver comment ça va se développer, c'est encore un peu abstrait. Trop bien. Et j'avais ça aussi, c'est une petite question juste comme ça, toute simple, mais comment est-ce que tu es passé du dub aux musiques expérimentales? En deux mots. En deux mots. Mais le dub, c'est déjà de la musique expérimentale. Et bim. Ok, merci. Ça m'a peut-être bien déjà ouvert des portes, en effet, et des portes assez acousmatiques, et des portes qui tremblent un peu comme ça. Bravo. Bref. Super. Ben, merci beaucoup. Je vais passer déjà aussi un petit bout de ce que tu fais. Merci Anouk Janton. Merci d'Incise. Merci Antoine Leung d'être venu. Antoine, tu restes là. Et Anouk et d'Incise, vous êtes libérés. Vous allez boire du café encore si vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À tout à l'heure. Et voilà, c'était une pièce d'Incise que vous pourrez donc écouter ce soir avec une toute nouvelle œuvre au Salon d'écoute, ici à la salle communale de Plainpalais, dans le cadre du festival Archipel. C'est à 21h, si je ne me trompe pas. Et on accueille maintenant... Alors déjà, tout à l'heure, je voulais juste préciser que pendant toute l'interview de Insub, on entendait en arrière-fond le soundcheck de Clément Vercheletto qui est en train d'accorder l'Engoulevent dans la grande salle juste derrière nous.